إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va continuer, inshallah, sans plus attendre, sur l'explication toujours de ce chapitre, où l'auteur, l'imam al-Bukhari, a mentionné en guise d'intitulé le verset, lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit « Wa kana Allahu sami'an basira ». Et nous, on est toujours dans l'étude de ce hadith, ensuite qu'a évoqué l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, le récit concernant la révélation et la descente du verset 1 de la sourate al-Mujadala. « Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha ». Donc on est toujours dans l'explication de ce verset. Et on avait terminé la dernière allocution, le dernier cours, on avait terminé lorsqu'on a fait allusion à la bonté du prophète, au fait que le prophète était à l'écoute des autres, le fait que le prophète était attentif envers les autres, le fait que le prophète avait un profond souci, le toujours d'écouter les autres et d'être dans l'aide des autres. Donc le prophète était toujours dans l'aide des autres et toujours il soutenait et réconfortait les gens qui l'environnaient, les croyants, les croyantes. Il avait un profond souci que les gens rejoignent cette religion, que les gens embrassent l'islam. Et pour cela, on avait mentionné cela par rapport à cette histoire, le temps que le prophète Sam avait donné à cette femme, l'histoire de la révélation du verset « Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha ». L'histoire du verset, lorsque cette femme a fait en quelque sorte des confidences au prophète, elle s'est en quelque sorte confiée au prophète, elle a confié son désarroi par rapport à la situation qu'elle vivait, sa détresse qu'elle vivait lorsque son époux, alors qu'ils étaient arrivés à un âge avancé, alors qu'ils étaient âgés, alors son époux, il est rapporté qu'il l'a divorcé, et donc elle vint au prophète pour lui faire part de son désarroi, et donc elle s'est confiée à lui et lui a fait part de ses confidences. Et donc, on avait mentionné ça dans la dernière allocution. Et de ce fait, on a pu voir, par rapport à cet épisode, par rapport à cet événement, que le prophète, était vraiment dans l'écoute des gens. Et le prophète, leur accordait du temps. Malgré, on avait dit, toutes les préoccupations qu'avait le prophète, malgré toutes ces charges qui pesaient sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que supportait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré toute cette responsabilité, comme on l'a dit dans la dernière allocution, on a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette charge d'enseigner, il avait cette charge de transmettre le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il avait cette obligation de faire parvenir le message, il avait cette obligation aussi de ce qu'on appelle établir, que le message d'Allah se transmette et se diffuse. Donc il avait cette lourde tâche de transmettre d'abord le message, de transmettre la révélation. Et comme on l'a dit, la révélation d'Allah, la parole d'Allah, c'est une parole qui est lourde. Comme il est dit dans le verset, lorsqu'Allah dit au prophète, sallam, nous allons te révéler une parole lourde. « Sanulqi alayka qawlan thaqila ». Vous avez vu, c'est une parole qui est lourde. Et donc le prophète, il avait aussi bien cette charge de transmettre, de diffuser le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la religion d'Allah, et aussi il devait s'occuper socialement, économiquement de la situation à Médine, Et donc, il était à l'écoute des gens, il devait s'occuper des différents problèmes que pouvaient rencontrer les gens à Médine à l'époque, avec en plus aussi le problème de gens qui mettaient en évidence, en apparence, l'islam, mais qui au fond d'eux dissimulaient le contraire de cela, la mécréance, ce qu'on appelle les hypocrites. Donc le prophète, sallam, vivait ce contexte. Donc c'était un contexte qui était difficile. De plus, le prophète, sallam, comme on a dit, avait les tribus arabes qui s'organisaient, qui s'unissaient contre lui et contre les musulmans. C'est pour ça que le prophète, sallam, et les musulmans subissaient les agressions. Hein. C'était des agressions permanentes des polythéistes de la péninsule arabique. Donc vous avez vu, le contexte était vraiment particulier et le contexte était difficile. Et malgré ça, là, malgré cela, on voit que le prophète sallam était dans l'écoute des autres. Le prophète sallam passait du temps avec les autres, il leur donnait du temps. Donc le prophète sallam menait à bien cette fonction de prophète et de messager, puisque le prophète sallam était l'envoyé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tous ces récits qu'on lit, dont on prend connaissance, ça nous prouve la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque on lit justement ces différents faits et événements qui se sont produits à l'époque du prophète sallallahu, cela prouve véritablement que le prophète sallallahu était un prophète et un messager, puisqu'il avait les qualités de prophète et de messager. Et tous ces récits indiquent cela. Et pour bien illustrer cela, c'est pour cela qu'on avait conclu hier même avec le témoignage de gens qui étaient des ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui vivaient dans l'animosité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'étaient opposés au prophète et à l'islam. Comme on avait donné par exemple l'exemple de Nadr ibn al-Harith, c'était l'un des grands ennemis du prophète et de l'islam. Et tout au long, et il n'a cessé de combattre le prophète et la religion et les musulmans. Donc, Nadr ibn al-Harith, comme on l'avait évoqué dans la dernière allocution, on avait terminé avec cela, était l'un des plus grands ennemis de l'islam et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a pu voir que, malgré cela, certains de ses antagonistes, parfois, lorsqu'ils décrivaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'ils n'avaient pas le choix que de reconnaître la vérité au sujet du prophète, que de reconnaître si vous voulez, ses bons comportements, de reconnaître les bonnes moralités du prophète et les nobles moralités du prophète. C'est pour ça qu'on voit même certains ennemis du prophète n'avaient pas le choix que de reconnaître les bonnes moralités, les bons caractères et les nobles comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que cela était quelque chose d'évident que les gens voyaient, que les gens remarquaient, que les gens constataient chaque jour. Et donc, de ce fait, même les plus, comme on l'avait dit, même les plus grands ennemis et adversaires du prophète, sallam, ne pouvaient pas renier cette évidence, ne pouvaient pas renier cela. Le fait que le prophète, sallam, vraiment était doté de nobles caractères, de bonnes moralités. Et ça, c'était le comportement, l'éthique des prophètes et des messagers. C'est pour ça que si on avait mentionné cette histoire avec ce roi, cet ancien roi arabe, ensuite lorsqu'il a embrassé l'islam, on avait mentionné, on avait évoqué hier, on avait terminé notre allocution aussi avec l'histoire de Adi ibn Hatim, Adi ibn Hatim qui était un roi d'une tribu arabe, et on avait parlé hier de sa conversion. Et on avait dit, regardez comment le prophète ensemble lui avait donné de l'attention, comment le prophète ensemble lui avait donné du temps, et comment le prophète ensemble s'était adressé à lui. Et même lui, qui était à la base un roi arabe, qui était connu, qui avait de l'influence sur ces sujets, qui avait de l'influence dans la péninsule arabique, certains historiens, biographes, spécialistes disent que cet événement de Hadi ibn Hatim, lorsqu'il s'est converti, c'était à peu près en l'an 9 de l'Hégire. En l'an 9 de l'Hégire. Et on voit à travers cette histoire que même lui, Adi ibn Hatim, lorsqu'il raconte sa conversion et lorsqu'il a embrassé l'islam, lui-même ensuite, on a dit, il va raconter cela, même lui, alors juste avant de se convertir, alors qu'il était ennemi du prophète, alors qu'il vivait dans l'animosité du prophète, même lui, à un moment donné, il va reconnaître, lorsqu'il va voir Le prophète, lorsqu'il va être en sa compagnie, il va voir les agissements du prophète, il va voir comment le prophète se comportait avec les gens, comment est-ce qu'il était à l'écoute des gens, et comment le prophète lui-même s'est comporté avec lui-même. Comment le prophète aussi s'était comporté avec lui, il va déduire que ça, ce n'est pas le comportement de roi. Ce n'est pas le comportement des rois. Et lui est bien placé pour déduire cela et pour remarquer cela, puisque lui-même, c'était un roi dans la péninsule arabique. Donc lui connaît le comportement et les agissements des rois. Et c'est pour cela que lorsqu'il a vu le prophète, alors qu'il avait des idées déjà conçues sur le prophète, des idées, si vous voulez, déjà toutes faites sur le prophète, mais lorsqu'il va voir le prophète et le rencontrer, alors tout cela va changer. Là, il va voir la réalité du personnage, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, il va tout de suite remarquer que le comportement du prophète, ce n'est pas le comportement d'un roi. Et là, il va arriver à cette déduction que c'est bien et bien un envoyé d'Allah, que c'est un prophète et un messager. Surtout avec ce que va lui faire part le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou plutôt ce dont il va lui faire part le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, hier, on avait terminé l'allocution avec cela, et j'avais insisté sur cela pour vraiment qu'on se rende compte de la manière du prophète, comment le prophète, s'adressait aux autres. Et c'était même un rappel pour nous, puisque regardez, lorsque le prophète, ensuite, s'est assis avec Adi, et l'a appelé à l'islam, le prophète, dans un premier temps, lui a fait part que pourquoi, Hadi, tu te convertis pas à l'islam? Pourquoi tu embrasses pas l'islam? Pourquoi, en quelque sorte, ne reconnais-tu pas qu'Allah, Jalla wa Ala, est le seul qui mérite l'adoration? Yani, la ilaha illallah, pourquoi ne dis-tu pas la ilaha illallah? Qu'est-ce qui t'empêche à cela? Est-ce que c'est le fait qu'il a vu la pauvreté dans laquelle vivaient certains musulmans? Où il a vu la faiblesse de certains musulmans, la faiblesse que vivaient les musulmans à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez, le prophète, savait que Hadi était un roi. Donc ce qui attire les rois, c'est la puissance, la richesse, la force, le règne. Alors que Hadi vient à Médine et rencontre le prophète, il voit que la vie de beaucoup de musulmans, beaucoup étaient faibles, il voit que beaucoup étaient pauvres, il voit que les tribus arabes étaient réunies et unies contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'il vit cette situation, ça ne va pas encourager un roi à se convertir. Donc regardez, c'est pour ça que le prophète, s'adresse à lui de cette manière. Donc regardez, le prophète, vraiment à trouver réellement les bons mots, avait vraiment les bons mots pour prêcher et appeler Hadi à l'islam. Et de là, le prophète ensemble va lui faire part de ce temps qui arrivera. Il arrivera le jour où la femme voyagera de cette contrée lointaine. Il avait nommé la contrée qui était une contrée, on avait dit, en Irak. Elle pourra se rendre à la Mecque en toute sécurité. Et puis, il lui fit part aussi que viendra un jour aussi où eh ben, les gens vivront une sorte de richesse, la richesse qu'ils auront du mal à trouver une personne à qui donner. Donc, regardez, il lui fait part de ce jour. Et il lui fait part de ce jour où les musulmans connaîtront la souveraineté, lorsqu'il lui a fait part aussi que de la conquête de la Perse et des trésors de Kisra. Ibn Hormuz, qui tomberont entre les mains des musulmans, qui tomberont entre les mains des musulmans. Et là, c'était une prophétie du prophète, lorsque le prophète, a annoncé cela. Ça faisait partie de ses prophéties. Pourquoi? Parce que cela va se produire. Et lui-même, Hadi, va témoigner de cela parce que ça va se passer en son temps. Et pire encore, il fera partie, ou plus grand encore, il fera partie de cette cavalerie qui vont justement conquérir la Perse. Et donc là, ça fait allusion à la conquête de la Perse, lorsque les musulmans ont conquis la Perse, et donc les trésors de Kisra sont tombés entre les mains des musulmans. Et ça a donc confirmé les informations que lui avait donné le prophète des années auparavant. Des années auparavant. Donc vous avez vu, et de là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens qui sont appelés à l'islam, s'ils se rendent compte du contexte des musulmans, la faiblesse des pays musulmans, par exemple, au niveau économique, n'aime qu'au niveau économique, d'une manière générale, aujourd'hui, en cette époque, que certains pays musulmans ne soient pas forcément les plus grands pays développés, que ce ne soient pas forcément les plus grandes puissances économiques. Donc, si on fait un constat, par exemple, on peut constater que la majorité des pays musulmans, ce n'est pas les plus grandes puissances économiques, ce n'est pas, ils ne font pas partie des plus grands pays en matière de développement. Alors, Shaitan, il pourrait dissuader des gens de se convertir ou autre, comme à l'époque. Mais sachez qu'Allah, Jalla wa Ala, est celui qui donne la richesse à qui il veut, il est celui qui donne le pouvoir et la souveraineté à qui il veut, comme il ôte le pouvoir et la souveraineté à qui il veut, il la retire à qui il veut. Allah, Jalla wa Ala, fait ce qu'il veut et il éprouve ses serviteurs avec ce qu'il veut. Parfois la pauvreté est une épreuve et parfois la richesse aussi, c'est l'épreuve et est une épreuve. Donc Allah Jalla wa Ala éprouve ses serviteurs comme il le veut. Il y a un temps, il fut un temps où Allah Jalla wa Ala avait donné la souveraineté et le pouvoir à la nation musulmane, aux musulmans, et Allah Jalla wa Ala ensuite peut les éprouver avec la faiblesse. Donc un temps Allah Jalla wa Ala va leur donner le pouvoir, un temps Allah Jalla wa Ala peut les éprouver avec la faiblesse, comme ensuite il peut leur redonner cette gloire et cette souveraineté. Et pour revenir à cette gloire, il faut tout simplement la faire. Et juste qu'il faut revenir tout simplement à la crainte d'Allah, à la piété, à la religion d'Allah. Et Allah Jalla wa Ala donne la souveraineté et le pouvoir à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le croyant, lui, et là, on a une grande leçon, j'ai voulu réinsister sur cela, sur cette histoire de Adi ibn Hatim. Pourquoi? Parce qu'on a une grande leçon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'avait dit dans des allocutions précédentes, souvent, les partisans et les adeptes des prophètes, hein, ceux qui ont suivi les prophètes et les messagers, les envoyés d'Allah, ce sont souvent les pauvres et les faibles. On voit donc, on a encore une preuve ici, que ce sont les pauvres et les faibles, souvent. C'est pour cela que cela, en réalité, le fait que les croyants souvent sont dans une situation de faiblesse, ça prouve, ce sont les signes de la vérité. Puisque comme on avait dit dans des allocutions précédentes, ce sont eux qui vont en majorité peupler le paradis. Donc le paradis, comme on avait dit, on avait donné les preuves à cela dans des assises antérieures, on avait dit que le paradis sera majoritairement peuplé de faibles, de pauvres. Bien sûr, il y aura des riches, mais reconnaissants, on avait dit. Il y aura des riches reconnaissants, mais ce n'est pas la majorité. La majorité de ceux qui vont peupler en majorité le paradis, ça sera des faibles et des pauvres. Et de ce fait, il faut connaître, pour connaître la vérité aussi, il faut connaître les signes de la vérité. Donc celui qui connaît les prophètes, qui connaît les messagers, qui connaît les signes de ces prophètes et de ces messagers, qui connaît leur message, qui connaît la vérité, qui connaît ces histoires. C'est pour ça qu'il faut méditer le Coran. Alors lui, c'est reconnaître la vérité. Lorsqu'il y a la vérité, il sait la reconnaître. Malgré les ambiguïtés qui tournent autour, pourquoi? Parce qu'on est dans une époque aussi, il y a des ambiguïtés. Des ambiguïtés qui essayent de troubler les choses. En quelque sorte, on pourrait dire de brouiller les pistes. Donc vous avez une personne qui n'a pas de connaissance, qui n'a pas cette lumière-là. Alors lorsqu'une ambiguïté brouille les pistes, une ambiguïté parfois nous fait dévier de la vérité. Alors qu'une personne, il est sur la vérité, il chemine sur la vérité, à cause d'une ambiguïté, il peut dévier de cette vérité. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des gens, parfois toute leur vie, ils étaient sur la vérité, ils étaient sur le droit chemin, à cause d'une simple ambiguïté. Hein. Parfois, c'est à cause d'une ambiguïté, la personne s'est vue dévier du droit chemin. Et c'est pour cela qu'il faut se prémunir, qu'il faut se protéger des ambiguïtés. Et c'est pour ça notre ferme connaissance, lorsqu'une personne est là, une connaissance, il est ancré hein, dans la science, et il a une ferme connaissance, une connaissance profonde de sa religion, il connaît la vérité, alors les ambiguïtés, il sait les distinguer. C'est pour ça qu'il faut faire Très attention, une personne qui n'a pas une bonne connaissance de sa religion, une réelle connaissance et véritable connaissance de sa religion, alors une ambiguïté peut lui brouiller les pistes, comme on dit. Ça peut lui brouiller la piste de la vérité. Alors parfois, il est sur la vérité et cela va lui brouiller le chemin de la vérité. Donc, il va entreprendre un autre chemin en pensant que c'est le chemin de la vérité, alors qu'il a entrepris un chemin qui mène au faux et un chemin qui ne mène pas vers Allah et vers son paradis. Subhanahu wa ta'ala. Donc, l'importance vraiment, j'insiste sur cela pour vraiment qu'on puisse reconnaître la vérité. Et cela se fait avec la connaissance de notre Seigneur, de notre prophète et de la religion. Lorsque le serviteur connaît Allah, connaît son prophète et connaît sa religion, alors rien ne peut le perturber et rien ne peut l'embrouiller. Lorsqu'il connaît la vérité, lorsqu'il connaît sa religion comme il se doit, lorsqu'il connaît l'islam authentique, il en a une profonde connaissance, lorsqu'il connaît Allah, Jalla wa Ala, lorsqu'il connaît le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il a une conviction en la véracité de cela, alors rien ne peut l'ébranler, rien ne peut le perturber. Malgré les épreuves, malgré les ambiguïtés hein, qui se propagent, puisqu'on est dans une époque d'ambiguïté, lui, il sait reconnaître la vérité où qu'elle est et où qu'elle soit, lui, il sait où se trouve la vérité. Et ça, c'est les bienfaits, les mérites vraiment de la science. C'est comme cela que se distingue une personne qui a la connaissance et une personne qui n'a pas de connaissance, qui ignore, il est ignorant. Celui qui connaît sa religion, comme on l'a dit précédemment, lui sait où se trouve la vérité. Où qu'elle soit, il sait là la reconnaître. Et lorsque apparaît, il y a l'apparition d'une ambiguïté, alors il sait la reconnaître, cette ambiguïté. Si vous voulez, en quelque sorte, c'est comme s'il détecte les ambiguïtés. Donc ces ambiguïtés-là, ensuite, ne peuvent pas brouiller le vrai. Et lui, il sait toujours reconnaître le vrai et où se trouve le vrai. Et ça, c'est vraiment un bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le fait d'écouter les rappels, le fait d'apprendre sa religion, ça fait partie des plus grands bienfaits. Et là, on se rend compte de la parole, comme on a dit, souvent les salafs disaient que un seul savant est plus difficile à combattre pour Shaitan, pour Iblis, hein. Il a plus de mal à combattre un savant que 1000 adorateurs. 1000 adorateurs, pour lui, c'est plus aisé, c'est plus simple qu'un seul savant. Et pour cela, il y a même un hadith célèbre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un hadith connu, le hadith d'Abu Darda, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parle du mérite du savant par rapport au simple adorateur. Où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le mérite du savant par rapport à l'adorateur, c'est comme le mérite de la lune par rapport aux autres astres, par rapport aux autres étoiles. On voit la différence entre la lune, hein, la lune et les autres astres. La différence est flagrante. Il n'y a aucune comparaison entre certains astres avec la lune. Et bien, le prophète a fait cette comparaison-là. Il dit, le mérite du savant par rapport à l'adorateur, c'est comme le mérite de la lune par rapport aux autres astres. Et ensuite, le prophète a dit dans ce célèbre hadith, c'est pour ça qu'il dit, et les savants, ce sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes, n'ont pas laissé en héritage de dirham ou de dinar derrière eux, mais ce qu'ils ont laissé en héritage, ils ont laissé la science. Et celui qui prend de cet héritage, de cela, il aura pris sa part complète. Vous avez vu, donc le prophète, sallam, vraiment, a vanté les mérites et nous a fait part des mérites du savant, c'est-à-dire de celui qui connaît sa religion. Donc le mérite qu'il a par rapport au simple adorateur. Donc on va continuer, inshallah, sur l'explication de ce chapitre, Inch'Allah. Et on va terminer sur le tafsir, l'exégèse du verset de Sourate Al-Mujadala, le verset 1. On va terminer sur le tafsir et on va continuer, Inch'Allah, sur l'explication du chapitre, sur la lecture des autres preuves, les autres récits qu'a mentionné l'auteur, l'imam Al-Bukhari, dans ce chapitre. Ainsi, on a étudié dans ce qui a précédé, dans les cours précédents, on a étudié la cause de la révélation et de la descente de ce verset. Donc maintenant, il y a une question que vous devez sûrement vous poser, il y a une question qui va venir à l'esprit, et je pense que vous êtes posé cette question. Qu'est-ce qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré ensuite par rapport aux plaintes de cette femme? Puisqu'on a vu la cause de la descente de ce verset, donc on a vu, c'est lorsque cette femme est venue se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle lui a fait part de son désarroi, de sa situation, de sa détresse. Donc on a dit que dans le premier verset qui a été révélé de cette sourate, dans le premier verset, Allah Jalla fait part qu'il a entendu les plaintes. Donc dans le premier verset, on a l'enseignement qu'Allah Jalla a entendu les plaintes de cette femme. Ensuite, la question qui peut venir à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'Allah Jalla ensuite a légiféré par rapport à ça? Eh bien, ce qu'Allah Jalla a légiféré par rapport à ces plaintes-là, par rapport à cette histoire-là, par rapport à ce qu'on appelle al-dhihar, comme on l'a appris précédemment, cela, on va le voir dans les versets suivants. Puisque dans le premier verset, Allah Jalla donc a dit, Allah a entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari, au moment où elle adressait sa plainte à Allah. Donc Allah Jalla nous fait part, dans le premier verset, qu'il a entendu les plaintes de cette femme. Et dans les versets suivants, vous allez voir qu'ensuite, Allah Jalla va légiférer par rapport à cette situation. Et ça, je pense, c'est une question qui vient à l'esprit lorsqu'on on prend connaissance de cette histoire, de la cause de la révélation du verset. Ensuite, on veut savoir qu'est-ce qu'Allah Jalla allait légiférer. C'est pour ça qu'ensuite, Allah Jalla, dans les versets suivants, ensuite Allah dit, Alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. Alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna allaha la'afuwun ghafur والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير كما قال جل وعلا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Et on voit à travers la lecture de ces versets qu'ensuite Allah Jalla wa Ala a légiféré par rapport à cette situation. Donc Allah dit walladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatuhum ma hunna ummahatihim. Allah Jalla wa Ala va parler ensuite de ceux qui font ça, de ceux qui répudient leurs femmes en formulant cette formule-là. Allah Jalla wa Ala dit dans une traduction relative du verset alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum إِلَّا اللَّائِي وَلَدَنَاهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَنَاهُمْ. Regardez, Allah Jalla wa'ala dit, certains d'entre vous jurent pour répudier leur femme en utilisant la formule suivante, tu es aussi interdite pour moi que l'est le dos de ma mère, alors qu'elles ne sont pas leur mère. مَهُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ مَهُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ. Allah Jalla wa'ala dit, alors qu'elles ne sont pas leur mère. Donc Allah Jalla wa'ala blâme ceux qui font ça. Donc, dans le jugement d'Allah Jalla wa Ala, dans ces versets-là, on voit que premièrement, Allah Jalla wa Ala blâme ceux qui font ça. Ceux qui veulent répudier leur femme en formulant cette formule, en disant, tu m'es aussi interdite que l'est le dos de ma mère. On a dit que c'était la formule qu'on appelle al-dhihar. Donc, ceux qui font dhihar, c'est ceux qui yudhahirun, comme Allah Jalla wa Ala dit dans le verset, alladhina yudhahiruna minkum, min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Donc premièrement, Allah Jalla wa'ala dit que ce n'est pas leur mère. In ummahatuhum illa allati waladnahum. Mais certes, leur mère, c'est ceux qui les ont enfantés. Leur mère étant celle qui les ont mis au monde. Et ils tiennent ainsi des propos aussi blâmables que mensongers. Cependant, Allah est clément et miséricordieux. Donc vous avez vu dans le deuxième verset, on a le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Jalla wa Ala dit que c'est des propos qui sont mensongers. Wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura. Allah Jalla wa Ala dans le verset, une traduction relative, il dit, et pour cela, ils tiennent des propos aussi blâmables que mensongers dans une traduction relative. Mais Allah Jalla wa Ala dit qu'il est afuwun ghafur. Mais Allah est certes pardonneur. Allah est certes le pardonneur, le grand pardonneur, subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce deuxième verset, Allah Jalla wa Ala blâme ceux qui font adhihar en disant, premièrement, que ce ne sont pas leurs mères. Donc le fait de dire à son épouse pour la répudier, certes, tu m'es interdite comme l'est ma mère, en disant, tu es aussi interdite pour moi que l'est le dos de ma mère. Allah Jalla wa Ala dit, que ce n'est pas leur mère. C'est leur épouse, mais ce n'est pas leur mère. In ummahatuhum illa, in ummahatuhum illa la'i waladanahum. Allah dit, mais certes leurs mères, ce sont celles qui les ont enfantées et engendrées. Et pour cela, Allah Jalla wa'ala dit que cela est du mensonge. Ensuite, Allah Jalla wa'ala, dans les versets suivants, va nous faire part de la compensation. Ensuite, celui qui fait ça, mais qui voudrait ensuite revenir, retourner avec son épouse, Allah Jalla wa'ala va faire part de la compensation. Ainsi, Allah Jalla wa'ala, dans le verset suivant, dit, dans le verset 3, et ceux, dans une traduction relative du sens du verset, et ceux qui auront répudié leur femme en usant de cette formule, en utilisant al-dhihar, et qui reviennent ensuite sur leur parole, devront affranchir un esclave. Donc Allah, Jalla wa'ala, dans ce verset, il va évoquer l'expiation, si vous voulez, cette expiation, pour ceux qui voudraient revenir, reprendre leur épouse. Regardez, Allah, Jalla wa'ala, dit, ceux qui auront répudié leur femme, en usant de cette formule, et qui reviennent ensuite sur leur parole, donc le fait de revenir sur leur parole, si la personne revient sur cette parole-là, donc il voudrait reprendre ensuite son épouse, alors Allah Jalla wa'ala va mentionner l'expiation. Et l'expiation serait d'affranchir un esclave. Et Allah Jalla wa'ala pour cela dit, s'il revient ensuite sur sa parole, alors l'affranchissement d'un esclave à titre d'expiation. Et Allah Jalla wa'ala dit avant de reprendre leur rapport avec leur épouse. Donc avant, la personne qui revient sur sa parole, sur sa décision, avant, ou plutôt sur sa parole, et il est dit de manière plus précise, alors avant d'avoir un rapport avec son épouse, alors il doit s'acquitter de l'expiation. Et ça c'est très important. La règle c'est avant d'avoir un rapport ensuite avec son épouse, s'il est revenu sur sa parole, il doit s'acquitter de cette expiation. Pour cela, Allah dit, وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُدُونَ لِمَا قَالُوا ثُمَّ يَعُدُونَ لِمَا قَالُوا. Ensuite, ils reviennent sur ce qu'ils ont dit. فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبَلِ أَنْ يَتَمَاسَ. Donc Allah Jalla wa'ala dit donc qu'ils doivent affranchir un esclave. ذَلِكُمْ تُعَذُونَ بِهِ ذَلِكُمْ تُعَذُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Et voilà ensuite Allah Jalla wa'ala dit à la fin du verset, et voilà ce qu'Allah Jalla wa'ala, votre Seigneur, vous a prescrit. Celui qui instruit de tout ce que vous faites, celui qui a la connaissance, hein, qui sait tout ce que vous faites. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Par contre, ensuite, Allah Jalla wa'ala, dans le verset suivant, il va dire, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَ. Par contre, celui qui ne trouve pas de quoi affranchir un esclave, qui est dans l'incapacité, Allah Jalla wa'ala va dire, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, celui qui ne trouve pas, فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. Donc, il devra jeûner 2 mois consécutifs. Il devra jeûner 2 mois consécutifs, مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَ, avant même qu'il ait un rapport aussi avec son épouse. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ. Et Allah ensuite dit, et celui qui ne peut pas aussi jeûner 2 mois consécutifs, alors il devra nourrir 60 pauvres. Et Allah Jalla wa'ala dit ensuite, ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ. Cela pour que vous croyiez en Allah et en son messager, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. Et voici les limites, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et Allah dit que pour les mécréants, un châtiment douloureux. Voilà donc les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour résumer, cela. La question de Al-Dhihar, pour ça vous la retrouvez dans les livres de jurisprudence et surtout dans le chapitre concernant le divorce. Pourquoi ? Parce qu'il y a différentes catégories de divorce. Et ça c'est une forme de divorce qu'on appelle Al-Dhihar. Donc vous trouvez qu'il y a un chapitre dédié et consacré à cette forme de divorce, cette forme de répudiation qui s'appelle Al-Dhihar. Donc les détails à cela, pourquoi ? Parce qu'il y a des détails ensuite à cela, vous les retrouvez dans les livres de jurisprudence, dans les livres de divorce, dans le chapitre concernant ce qu'on appelle, comme on l'a dit précédemment, Al-Dhihar. Donc celui qui commet cela est interdit. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire à son épouse, tu m'es interdite comme l'est le dos de ma mère. tu es aussi interdite pour moi que l'est le dos de ma mère. Cette formule-là, en guise de répudiation, est donc al-zihar. Et donc, on a dit, hein, c'est ce que prononçaient les Arabes au temps pré-islamique. Et de cette manière aussi, ça faisait partie des manières pour divorcer leur épouse. Donc, c'était courant à l'époque chez les Arabes, dans la période de l'Jahiliya, à l'époque pré-islamique. Donc, Allah, Jalla wa Ala, dans ces versets révélés, Allah blâme ceux qui disent cela. Et Allah, Jalla wa Ala, dit que cela est du mensonge. Pourquoi? Parce que leurs épouses ne sont pas leurs mères. Secondo, leurs mères sont ceux qui les ont enfantées. Pour cela, Allah Jalla wa Ala dit: Wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura, wa inna Allaha la'afuwwun ghafur. Pour cela, Allah Jalla wa Ala dit: Et de ce fait, ils profèrent des propos aussi blâmables que mensongers. Cependant, Allah Jalla wa Ala est pardonneur et miséricordieux, et le grand pardonneur, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Jalla wa Ala, donc après qu'il ait dit que ce sont des paroles qui sont blâmables et mensongères, donc première chose, donc il faut éviter ces paroles, on apprend à travers ce verset. Et ensuite, en ce qui concerne l'expiation, donc l'expiation, c'est d'abord d'affranchir un esclave pour celui ensuite qui veut revenir sur sa parole. Celui qui veut revenir sur sa parole, alors il doit affranchir un esclave. Avant même, donc s'il revient sur sa parole, il veut revenir avec sa femme, avant d'avoir des rapports, il doit affranchir un esclave. Si il est dans l'incapacité d'affranchir un esclave, alors il devra jeûner 2 mois. 2 mois, mais il est bien stipulé dans le verset consécutif, c'est-à-dire 2 jours non séparés. En d'autres termes, sans interruption. Donc ce sont 2 mois consécutifs. Et si la personne ne peut pas jeûner 2 mois de manière consécutive, alors dans ce cas-là, il doit nourrir 60 pauvres. Donc il doit nourrir 60 pauvres. Voilà les limites qu'Allah Jalla wa Ala a fixées. Pour cela, Allah Jalla wa Ala ensuite, dans le verset, nous dit, après la révélation de ces versets, ensuite Allah Jalla wa Ala dit, telles sont les limites fixées par Allah, et les infidèles qui les transgressent subiront un châtiment douloureux, une traduction relative du sens du verset. Sauf que maintenant, pour les détails de cela, il y a des détails, hein, sur cette question-là, sur l'expiation, comment l'effectuer avec des règles ou autres, ça vous retrouvez ça, comme j'ai dit précédemment, dans des livres de jurisprudence. Donc on remarque bien, à travers l'étude de ces versets, on a appris vraiment des enseignements qui sont riches. À présent, on a appris celui qui pratique cela ou qui formule une telle parole en guise de répudiation, on a appris les règles relatives à ça et l'expiation à faire. L'expiation à faire. Donc, on voit à travers l'étude de ces versets qu'Allah, Jalla wa Ala, là, on comprend bien maintenant le premier verset, lorsqu'Allah, Jalla wa Ala, dit qu'il a entendu la plainte. Il a entendu les plaintes de cette femme. Et on voit qu'Allah, Jalla wa Ala, a légiféré. Donc, il y a une issue pour cette femme. Pourquoi? Parce que elle lui était pas interdite d'une manière définitive, mais qu'il y avait, pardon, une expiation. Donc, son mari, on avait dit, c'était Aus Ibn Samit, donc son mari à présent avait une expiation à faire. Et donc on voit que à travers l'étude de ces versets, comme à travers l'étude d'autres versets dans le Coran, ou bien à travers l'étude de la vie du prophète et de l'islam d'une manière plus générale, on voit que celui qui observe vraiment la législation d'Allah, on voit vraiment que Allah Jalla wa Ala a donné une place considérable à la femme et que la femme a vraiment été touché par ces grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la femme a du mérite. Lorsqu'on lit les textes dans le Coran ou bien dans la tradition prophétique, on voit vraiment les mérites de la femme et le rang qu'Allah Jalla wa Ala lui a donné et cette grande place qu'Allah Jalla wa Ala lui a donné. Regardez, c'est pour cela que celui vraiment qui est bien intentionné, qui lit vraiment les textes avec méditation et qui réfléchit sur les textes, on voit que la femme, à l'avènement de l'islam, a été libérée. Elle a vraiment été libérée. C'est pour cela que dans des allocutions précédentes, on avait dit qu'il faut vraiment connaître la situation et le contexte aussi bien social que politique que économique du temps pré-islamique, de l'époque des Arabes, de la péninsule arabique. Et que ça, c'est important pour comprendre l'islam dans son authenticité et pour comprendre réellement et véritablement le message de l'islam. On avait bien souligné cela et précisé cela dans des allocutions précédentes, qu'il est important de connaître le contexte à l'époque de des Arabes dans la péninsule arabique, le contexte d'une manière plus particulière, des Arabes qui vivaient à la Mecque, le clan et la famille du prophète, les règles qui régissaient leur société, comment est-ce qu'ils vivaient, les lois qu'ils suivaient, leurs mœurs, au niveau religieux, ce qu'ils suivaient. Et si on comprend bien tout ce contexte, hein, de la péninsule arabique et plus précisément de la Mecque à l'époque, ensuite on va comprendre véritablement le message de l'islam. Donc on voit par exemple, l'islam a donné beaucoup de droits à la femme et a libéré la femme. Celui qui connaît justement, et là pour ça on a un exemple concret, qui connaît réellement la place de la femme ou cette place qu'avait la femme à l'époque pré-islamique, à l'époque de Jahiliya, dans la péninsule arabique, celui qui connaît vraiment le rôle de la femme et la place de la femme à l'époque, alors il se rendra compte hein, d'une manière évidente, hein, c'est évident, il se rendra compte qu'Allah Jalla wa'ala a libéré la femme avec l'islam. Donc l'islam en réalité était une libération de la femme. Beaucoup aujourd'hui comptent l'animosité envers l'islam et les musulmans. Beaucoup essayent d'exploiter justement l'ignorance des musulmans. Et de ce fait, en exploitant l'ignorance des musulmans, alors ils essayent de véhiculer le fait que dans l'islam, il n'y a pas le droit de la femme et les femmes ne trouvent pas leur place et autres parmi certains préjugés. Pourquoi ? Là, ils se servent de l'ignorance, ils exploitent l'ignorance de certains musulmans. Tandis que ceux qui réellement connaissent réellement les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'Allah jalla wa ala a légiféré, il connaît l'inverse de cela. Au contraire, la femme a une grande place et Allah jalla wa ala a honorifié la femme dans le Coran. Et donc l'islam était une libération comme on l'a dit précédemment. Vous avez juste à observer, hein, à titre d'exemple, par exemple, cette histoire qu'on est en train d'étudier, la révélation du premier verset de Sourate Al-Mujadala, cette femme qui est venue au prophète, cette femme qui a fait ses confidences, qui a confié son désarroi au prophète, par rapport à sa situation conjugale avec son mari, et ce qu'elle a subi, donc elle était en détresse, quelle était la réaction du prophète? Le prophète était à son écoute. Donc on voit que le prophète a donné de l'importance aux femmes. Et la preuve que le prophète donnait de l'importance, et qu'il avait un profond souci pour le bien-être des femmes à l'époque, c'est que le prophète, premièrement, était à leur écoute. Et donc, la preuve à cela, c'est que les femmes venaient à lui. Donc, regardez, par exemple, Khawla bint Tharlaba, cette femme-là, est venue au prophète, pour se plaindre. Donc, elle est venue faire part de son désarroi au prophète, c'est qu'elle savait que le prophète, était à l'écoute. Et le prophète a vraiment été à l'écoute de cette femme. Regardez les femmes lorsqu'elles avaient des questions relatives même à des choses, hein, à des choses. Donc parfois la femme aurait honte par rapport à sa pudeur de confier. Regardez ces femmes-là, malgré cela, allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et parlaient par exemple de leur menstru. Donc elles interrogeaient, elles posaient des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les règles, concernant les périodes de menstru ou autres questions. Donc elles allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a de nombreux faits qui se sont produits à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam où on voit clairement, hein, d'une manière claire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment attentionné et accordait vraiment de l'importance aux femmes. Donc l'histoire de cette femme, de Khawla, lorsqu'elle est venue faire part de son désarroi au prophète, en est une preuve. Donc le prophète l'a écoutée. Mais en plus de cela, regardez, des versets sont descendus pour elle. Alors qu'elle était dans la détresse, alors qu'elle vivait ce désarroi-là, regardez, des versets sont descendus et Allah Jalla wa Ala a blâmé les hommes justement qui font al-dhihar, qui s'interdisent leur femme en leur disant qu'elle lui est interdite comme le dos de sa mère lui est interdit. Regardez, le prophète ensemble a blâmé ces gens-là en disant que leurs paroles, elles étaient mensongères et qu'en réalité, leurs épouses sont leurs épouses, mais celles qui sont leurs mères, c'est celles qui les ont enfantées. C'est celles qui les ont enfantées. Donc, vous avez vu? Donc, Allah, Jalla wa Ala, ici, en quelque sorte, a secouru cette femme. Donc, il a donné le droit à cette femme. Ensuite, Allah a légiféré les limites fixées en légiférant l'expiation à cela. Et on a d'autres faits. Regardez, par exemple, à l'époque des Arabes, si vous connaissez le contexte des Arabes à l'époque, sachez que la femme, par exemple, avant l'avènement de l'islam, avant l'arrivée de l'islam, la femme était interdite d'hériter. Elle n'héritait pas. À l'époque, dans la période pré-islamique, de Jahiliya, les femmes n'héritaient pas. Elles n'avaient pas le droit à l'héritage. Elle n'avait pas de part d'héritage. L'islam, lorsqu'est venu l'islam, ça abolit cela. Et dans l'islam, la femme a le droit à l'héritage. Et Allah, Jalla wa Ala, a même légiféré des parts bien spéciales et spécifiques pour la femme. Donc regardez, ça a donné le droit à la femme. On a d'autres choses encore. Regardez, il nous est dit dans un verset, par exemple, qu'à l'époque des Arabes, sachez que lorsqu'un homme aussi décédait, alors son fils ou son frère pouvait disposer de son épouse, de sa femme, comme il le désirait. Et c'était connu à l'époque chez les Arabes, par exemple, un homme qui décédait, un homme qui mourait, alors s'il avait un fils, ou bien il avait un frère, s'il avait un fils, son fils pouvait disposer de sa femme comme il le désirait. C'est-à-dire, il pouvait se la marier, comme il pouvait la marier à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui désirait, ou bien comme il pouvait la laisser comme ça et la mettre à son service, qu'elle soit une khadima, qu'elle soit à son service. Et à l'époque, ça, par exemple, c'était connu chez les Arabes. Et donc là, l'homme, par exemple, il décédait, son frère ou bien son fils pouvait disposer de sa femme comme il l'entendait. Alors soit c'était connu, il la remariait avec quelqu'un que eux voulaient, il la remariait, ou soit c'était connu que eux se la remariaient. Par exemple, c'était connu qu'un fils, par exemple, se remariait avec la femme de son père, par exemple. Ou bien, s'il ne se remariait pas avec la femme de son père, et parfois c'était le frère. Alors, si le fils ne se mariait pas avec la femme de son père, alors il pouvait la garder comme une khadima, c'est-à-dire à son service. Il la gardait à son service. Ensuite, Allah Jalla wa Ala, lorsque l'islam est venu, Allah Jalla wa Ala a révélé un verset, justement, dans la sourate Nisa. Allah abolit cela. Cette pratique qu'avaient les Arabes, Allah l'a abolie. Donc, vous avez vu, on a vu dans un premier temps que la femme n'avait pas le droit à l'héritage. Mais pire encore, alors qu'elle n'est pas héritière, si son mari décédait, alors elle voyait le fils ou bien le frère disposer d'elle comme il l'entendait. Regardez, elle était comme une sorte d'esclave au service de l'autre. Ensuite, Allah Jalla wa Ala a révélé un verset. Ya yualladina amanu, la yahillu lakum. Ensuite, Allah Jalla wa Ala a révélé le verset, ô vous les croyants, il ne vous est pas permis de vous attribuer des femmes par voie d'héritage contre leur gré. Regardez, et c'est ça que les commentateurs des versets expliquent. L'homme recevait en héritage les femmes de son père ou de son frère décédé. Il pouvait les garder pour leur servir ou bien les épouser s'il le désirait. Et donc l'islam a mis fin, Allah Jalla wa Ala a mis fin à cette pratique. Vous avez vu par exemple un exemple, lorsqu'on connaît le contexte de l'époque des Arabes au temps pré-islamique, là on peut se rendre compte vraiment du bienfait des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qu'Allah Jalla wa Ala a révélé. Regardez les droits qu'Allah Jalla wa Ala a donné à la femme. Donc Allah dit par exemple dans le verset 19 de la sourate An-Nisa, « Ô vous les croyants, il ne vous est pas permis de vous attribuer des femmes par voie d'héritage contre leur gré. Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. Ensuite Allah dit, ne les soumettez pas à des contraintes dans le but de leur reprendre une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles n'aient commis un acte d'adultère par exemple. Et entretenez de bons rapports avec vos femmes. Regardez Allah Jalla wa Ala, qu'est-ce qu'il dit? Entretenez de bons rapports avec vos femmes. Et regardez Allah, qu'est-ce qu'il va dire. Et si vous avez quelques aversions pour certaines d'entre elles, sachez qu'on ne peut avoir parfois de l'aversion pour une chose qui peut cependant être pour vous la source d'un grand bonheur. Donc parfois, on va voir chez une femme quelque chose qui nous répugne, mais Allah Jalla wa Ala nous exhorte à observer, à regarder plutôt les bons côtés. Et peut-être que s'il y a des qualités qui peuvent être détestables, mais Allah Jalla wa Ala dit qu'elles ont d'autres qualités. Elles ont d'autres bonnes qualités. Et vous avez vu, Allah Jalla wa Ala nous exhorte dans ce verset à plutôt faire valoir le côté des bonnes qualités, l'aspect des bonnes qualités qu'elles ont. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala nous exhorte à avoir de bons rapports avec les épouses en observant les bonnes qualités qu'elles ont. Et parfois, même si on voit, on peut se concentrer sur certains défauts, mais savoir qu'elles ont des bonnes qualités. Et Allah Jalla wa Ala nous exhorte à prendre en considération l'aspect, le côté de leur bonne qualité. Donc regardez Allah Jalla Wala comment il s'adresse aux hommes ici concernant la femme. Regardez une autre preuve encore, on a plein de preuves, dans, que ce soit dans le Coran, dans la tradition du prophète, concernant l'importance qu'a donné l'islam à la femme. Regardez par exemple le prophète, dans un hadith, il disait « Khayrukum khayrul ahli ». Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa femme, avec son épouse. Donc regardez, le prophète aussi exhortait les hommes à être les meilleurs avec leurs épouses. Donc regardez, on n'a pas attendu le 20e ou le 21e siècle pour essayer d'être bon avec nos épouses ou bien d'avoir des conseils d'autres nations pour nous exhorter à être bien avec nos épouses. Cela l'a enseigné. Le prophète Sam l'a enseigné il y a plus de 15 siècles, près de 15 siècles de cela. Et Allah Jalla wa Ala, dans le Coran, regardez, exhorte les hommes à entretenir des bons rapports avec leurs femmes et leurs épouses. Et regardez le prophète sallam, comment il illustrait cela en disant le meilleur, khayrukum, c'est vraiment le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec son épouse. Donc là, le prophète sallam a utilisé vraiment des termes qui sont vraiment très forts. Qui sont vraiment très forts. Et ça, ça faisait partie de son éloquence. Regardez parmi les d'autres exemples. Un jour, un compagnon est venu s'adresser au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui demandant une recommandation. Donc, il demande une recommandation au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui recommande sa mère, en lui disant sa mère. Mais, d'une manière très explicite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a recommandé sa mère trois fois de suite, en lui disant, Ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk. Vous avez vu ce récit qui est très célèbre. Le prophète lui a dit, ta mère, puis ta mère, puis ta mère. Vous avez vu comment le prophète sallam a exhorté ce compagnon avant même de citer le père. Le prophète sallam n'a fait que répéter la mère, la mère, la mère. Vous avez vu cette place immense qu'a la femme dans l'islam. Et on a beaucoup d'autres exemples, si vraiment on médite, nous on n'a pas le temps de citer tous les exemples, mais on a vraiment beaucoup d'autres exemples. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque pré-islamique, la femme était dévalorisée, la femme n'avait pas de valeur. La femme chez les Arabes au temps pré-islamique, dans la péninsule arabique, elle n'était pas honorée, elle n'avait pas de valeur. En arabe on dit « kanat muhtaqara ». Kanat mahtaqaran, elle était insignifiante, sans valeur. Et lorsque l'islam est venu, l'islam a donné de la valeur à cette femme. C'est ça qu'il faut vraiment savoir. Et pour bien comprendre cela et réaliser cela, il faut lire. Lisez, il y a des livres qui traitent justement, qui traitent de ce passage de l'histoire du temps pré-islamique, de l'Jahiliya, et quelles étaient les coutumes des Arabes et les traditions des Arabes à l'époque. Regardez, donc, parmi les récits aussi qui dénotent vraiment le rang de la femme, regardez lorsque le prophète, ensemble, dans maintes hadiths, il exhorte à ceux qui ont des filles et qui éduquent des filles que ça sera la cause pour la préservation du feu de l'enfer. Ceux qui ont été bienfaisants envers leurs filles. Alors, ceux qui ont éduqué des filles, eh ben, dans un hadith, il est mentionné, par exemple, que le prophète, ensemble, dit ceux qui ont été éduqués des filles. Dans un hadith, il est mentionné deux. Dans un hadith, il est dit cela d'une manière générale. Le prophète, ensemble, dit que ça sera une préservation contre le feu de l'enfer. Donc celui, le prophète pose comme condition celui qui était bienfaisant, qui avait des filles, il les a éduquées jusqu'à l'âge de la puberté, il était bienfaisant envers elles, alors ça sera une préservation contre l'enfer. Et un jour le prophète a même dit qu'il sera proche de moi. Cette personne qui était bienfaisant avec des filles, il sera proche de moi, et le prophète ensemble a illustré cela en faisant signe avec ses deux doigts, en rapprochant ses deux doigts. Et il disait, il sera à côté de moi, proche de moi, comme le sont ses deux doigts. Comme le sont ses deux doigts. Imaginez-vous, celui qui veut là, être avec le prophète, sans s'en être proche du prophète, sans salam. Celui qui a des filles, qui est bienfaisant envers elle, alors c'est une préservation contre le feu de l'enfer, et la personne sera avec le prophète, sans salam. Et le prophète, sans salam, a montré de ses deux doigts. Donc avec ses deux doigts, il a illustré cela. Pour qui? Pour la fille. Donc regardez, ça donne encore, ça dénote vraiment l'importance et le haut rang qu'a la fille et la femme dans l'islam. Regardez par exemple, donc les exemples sont nombreux, regardez par exemple en ce qui concerne An-Nafaqat. An-Nafaqat, le domaine des dépenses. Qui est-ce qui doit dépenser pour l'autre? Dans l'islam, les règles, l'homme doit dépenser pour la femme. Que ce soit au niveau de l'habillement, il doit la vêtir, il doit la loger. il doit la nourrir, il doit la soigner. Et tout cela font partie des dépenses qu'a l'époux envers son épouse. Donc ça fait partie des droits de l'épouse. Donc parmi ces droits, son mari doit la loger, son mari doit lui trouver un abri, son mari doit la soigner si elle est malade, son mari doit la nourrir, il doit la vêtir au niveau des vêtements, il doit l'habiller. Donc il doit subvenir tout simplement à ses besoins. Même si la femme est millionnaire, même si la femme détient des millions, même si elle a des millions dans son compte en banque, et lui, par exemple, il touche par mois un SMIC, il a 1000 euros, par exemple, par mois, j'illustre cela avec des exemples bien concrets, c'est lui qui a une obligation, c'est lui qui a l'obligation de subvenir aux besoins de sa femme, même si celle-ci est millionnaire, comme on a dit précédemment, même si elle détient des millions, par exemple, d'euros. C'est lui qui a l'obligation de subvenir, de loger la femme, de la nourrir, de l'habiller, de la soigner, même si cette femme-là est riche. Par contre, bien sûr, avec des règles, on ne va pas rentrer dans les détails. Par exemple, à partir du moment qu'il l'a nourrie, il l'a ramenée à manger, il a trouvé un toit, il l'a logée, il l'a vêtie, il a fait son obligation. Si par exemple, il l'a nourrie et elle veut un surplus, par rapport à ça, il a rapporté sa nourriture, mais elle veut plus que cela et lui, il n'en a pas les moyens. Ça, ensuite, elle utilise de son argent. Mais c'est lui, il a fait son obligation. Donc, c'est ça l'obligation. Qu'il la nourrisse, qu'il la vêtisse, qu'il la loge, comme on a dit précédemment. Mais ça fait partie des obligations de l'époux. De l'époux. Comme on a dit, même si sa femme est riche. Ensuite, il y a des règles. La femme peut aider son mari, elle peut venir en aide de son mari, etc. Ça, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste pour dire que la dépense incombe au mari. Regardez, même ça dénote l'importance et les droits. Regardez ces droits qu'Allah Jalla wa Ala a donné à l'épouse, a donné à la femme. Donc, une personne qui ignore cela, une personne qui ne sait pas ça, c'est vraiment une personne vraiment qui a aucune connaissance en l'islam. La personne qui ne sait pas que l'islam en réalité est venu libérer la femme, que l'islam est une libération en réalité pour la femme, c'est une personne soit qui n'a aucune connaissance de l'islam, ou soit si c'est une personne qui dit qu'il a lu les textes, c'est une personne qui, lorsqu'il a lu les textes, était mal intentionnée, était mal intentionnée. C'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup de détracteurs, exploite l'ignorance de beaucoup de musulmans en disant que la femme n'a pas sa place, il y a des inégalités. En réalité, celui qui médite le Coran et la Sunna, et celui qui est bien intentionné, qui a une bonne intention, il verra l'inverse, que vraiment, la femme a une grande place dans l'islam. Voilà, donc ça, c'était un bref rappel sur ce sujet qui est très très important. Aussi, comme on a parlé aussi de l'affranchissement des esclaves, de même, on voit que l'islam, par exemple, a encouragé l'affranchissement des esclaves. Donc, contrairement à certaines paroles de certains détracteurs, hein, comme on a dit précédemment, qui exploitent l'ignorance de certains musulmans, en disant que l'islam aurait encouragé l'esclavage ou autre, c'est faux. C'est faux. Tous ceux qui connaissent encore l'importance de revenir au contexte à l'époque, que ce soit le contexte politique, le contexte géopolitique, social, économique de la péninsule arabique, à l'époque de l'avènement de l'islam, ou avant, hein, l'avènement de l'islam, on voit que l'esclavage s'était répandu. Donc les gens achetaient des esclaves, vendaient des esclaves, détenait des esclaves, c'était quelque chose de courant et de répandu dans les sociétés. Et d'ailleurs, ce n'était pas que dans la péninsule arabique, comme vous le savez tous, mais c'était répandu même largement ailleurs. El-Muhim, l'important ici, c'est que la position de l'islam, lorsqu'il est venu, a encouragé à l'affranchissement des esclaves, c'est-à-dire à la libération des esclaves. Donc c'est ça, pour remettre les choses dans leur contexte, hein, réel, c'est que l'islam a encouragé la libération des esclaves. Mais cette pratique était déjà présente et existante avant même l'arrivée du prophète, avant l'avènement de l'islam. Donc, dans l'islam, on voit que dans le Coran, dans la Sunna, il y a un encouragement à la libération de ces esclaves. Ça aussi que c'est un point important. Ensuite, pour continuer le chapitre, donc on a fini ce sujet. Ensuite, l'imam al-Bukhari va évoquer un autre hadith. Donc là, vous avez pu voir, hein, vous avez pu voir très nettement le lien entre ce verset de Sourate al-Mujadala avec le chapitre qu'a mentionné l'imam al-Bukhari concernant le nom As-Sami' wal-Basir. Et de ce fait, Cheikh Ibn Uthaymeen va conclure l'explication du verset et de cette partie-là, avant de passer à l'étude du hadith. Il va conclure d'une manière vraiment remarquable, en disant, regardez cette très belle parole que va dire Cheikh Ibn Uthaymeen, le commentateur, l'auteur du commentaire. Il dit, « Fayajibu alayna alla nusmi'a rabbana ma yurdibuhu alayna idha kana al-mu'minu yu'minu bi anna Allah yasma' kulla qawl. يسمع كل قول يقوله فإذا كان كذلك فإن ذلك يوجب ألا يقول قولا لا يرضي الله عز وجل. Regardez, c'est très pertinent ce qu'il dit. Il dit donc, de ce fait, si on a pris connaissance qu'Allah Jalla wa'ala est celui qui entend tout, puisque c'était ça en réalité l'étude. L'étude de ce chapitre, c'est de vraiment prendre connaissance de ce nom d'Allah Jalla wa'ala, As-Samir, celui qui entend tout. Shir dit, ce qui est bénéfique pour nous, pour le croyant, pour nous, de savoir qu'Allah Jalla wa'ala est celui qui entend tout. Donc il dit, c'est-à-dire, on va bénéficier, hein, tirer de cela comme profit, d'éviter de faire entendre à Allah Jalla wa'ala des paroles qui le mettent en colère, qui peuvent le mettre en colère. Donc éviter toute parole qui rentre dans le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui mettent Allah Jalla wa'ala, notre Seigneur, en colère. Si on sait qu'Allah Jalla wa'ala entend tout, on a pu le voir à la travers l'étude de ce verset qu'Allah Jalla wa'ala avait entendu les plaintes de cette femme, on bénéficie de cela, l'utilité de savoir cela, de se rendre compte vraiment de cela, de ne pas prononcer, proférer des paroles qui mettent notre Seigneur en colère, puisqu'Allah Jalla wa'ala est celui qui entend tout Jalla wa'ala. Fa'idha kana al-mu'min. Donc celui, et regardez, Cheikh Ibn Uthaymeen va dire, le croyant, lorsqu'il a cette connaissance que, et il croit qu'Allah Jalla wa'ala est celui qui entend tout, il entend toutes les paroles, alors il dit, il lui incombe de prononcer que des bonnes paroles. Des paroles qui rentrent dans le contentement, bien dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des paroles, si vous voulez, qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, vraiment, le fait de se rappeler le nom d'Allah Jalla wa ala As-Samir, eh ben, ça va nous encourager, ça va nous mener à proférer, prononcer des paroles qui satisfassent notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, les bénéfices, on va dire, les utilités de ce savoir et de cette connaissance. Ensuite, l'imam al-Bukhari dit, Haddathana Sulayman ibn Harb, Haddathana Hamad ibn Zayd, An Ayyub, An Abi Uthman, An Abi Musa, قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فكنا إذا غلونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله ابن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال ألا أدلك به. Alors ensuite l'imam al-Bukhari va mentionner un hadith, un grand hadith. Là, au niveau du sens, il va mentionner d'abord la chaîne de transmission en disant « Haddathana m'a rapporté Sulayman ibn Harb » que lui a lui-même rapporté Hamad ibn Zayd jusqu'au compagnon Abi Moussa. Donc Abu Moussa, le compagnon, disait « Un jour nous étions en compagnie du prophète sallam dans un voyage. » Alors il disait « Lorsque on s'élevait, alors on disait « Allahu Akbar » on faisait « At-Takbir » c'est-à-dire lorsqu'on passait dans des endroits élevés, lorsqu'on montait en quelque sorte, on passait dans ces endroits élevés, alors le prophète leur avait enseigné de faire « At-Takbir », de dire « Allahu Akbar ». Et un jour, alors qu'ils étaient en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et eux, ils faisaient « At-Takbir », ils invoquaient Allah, Jalla wa ala, à haute voix. De cette manière, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit « Ne vous fatiguez pas », une traduction relative, « Ne fatiguez pas vos personnes, fa'innakum la tad'ouna asam wa la ra'iba. » Vous n'invoquez pas un Seigneur qui est sourd ou bien qui est absent. Tad'ouna sami'an basiran qariba. Mais plutôt, vous invoquez un Seigneur qui est audient, clairvoyant et proche. Et proche. Ensuite, le compagnon dit, thumma ata alayya. Ensuite, le prophète, s'est avancé d'Abu Moussa, du compagnon. Et lui, Abu Moussa, il disait la hawla wa la quwwata illa billah. Mais il disait cela en lui. Il ne disait pas à voix haute. Il le disait d'une manière silencieuse. Il le disait fi nafsi, dans son fond intérieur. Alors le prophète sallam s'est rapproché de lui et lui a dit ya Abdallah ibn Qais. C'est comme cela qu'il s'appelait. Il lui a dit oh toi Abdallah le fils de Qais, dis la hawla wa la quwwata illa billah. Car cette parole est un trésor parmi les trésors du paradis. Parmi les trésors du paradis. Et dans le commentaire, Cheikh Ibn Uthaymeen donc va nous expliquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans sa tradition, sa sunna, fait partie que lorsque on est dans un endroit, et lorsqu'on arrive à un endroit élevé, lorsqu'on monte par exemple, alors il est bon de dire Allahu Akbar, de faire takbir. Lorsque vous êtes, que ce soit en voiture, ou que ce soit en avion ou autre, lorsque vous arrivez dans un endroit où vous montez, dans un lieu élevé, alors il est bon, ça fait partie de la sunna, de dire Allahu Akbar. Par contre, à l'inverse, lorsque, par exemple, vous descendez, vous arrivez dans un lieu qui n'est pas élevé, alors le fait de dire Subhanallah. Et là, à l'inverse, on dit Subhanallah. Et comme cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait enseigné à ses compagnons. C'est pour ça que vous voyez dans, jusqu'à aujourd'hui, dans certains pays musulmans, vous allez voir que dans les routes, parfois, lorsque vous arrivez dans des hauts lieux, par exemple, vous avez des pancartes où il y a Takbir, il y a écrit Allahu Akbar. Pourquoi? C'est la sunna du prophète Sam de dire Allahu Akbar lorsque vous arrivez dans des lieux élevés, des hauts lieux. Et lorsque, par exemple, c'est des descentes, ça descend, là, on dit Subhanallah. On dit Subhanallah. Et à titre d'exemple, Cheikh Ibn Uthaymeen va dire, par exemple, lorsqu'une personne est dans l'avion, lorsque l'avion va décoller, lorsqu'il a décollé, il commence à monter l'avion. Donc là, la sunna du prophète, c'est de dire Allahu Akbar. C'est de dire Allahu Akbar. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen va expliquer la sagesse à cela. Pourquoi, lorsque on est dans un lieu élevé, on monte, on dit Allahu Akbar, et lorsqu'on descend, on dit Subhanallah. Cheikh Ibn Uthaymeen va dire peut-être, il va donner une hypothèse ici. Peut-être qu'on dit Allahu Akbar à ce moment-là lorsqu'on monte dans un endroit. Pourquoi? Parce que la personne lorsqu'il monte, parfois il a tendance à s'emplir de vanité, par exemple, à s'enorgueillir le fait que là il monte et se trouve dans une position élevée. Il se trouve en hauteur. Alors yajri fi nafsi al-kibriya. Donc parfois il peut être touché, par exemple, il dit d'orgueil. De vanité. Alors à ce moment-là, il dit le plus grand c'est Allah. Allahu Akbar, c'est le fait de dire le plus grand c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et par contre, lorsqu'on descend, amma idha nazala fan-nuzul as-sufl. As-sufl naqsun. Lorsqu'on descend, là, ça dénote une sorte de diminution. Ça dénote une sorte d'infériorité. Dans ce cas-là, ce qu'il convient aux circonstances, c'est de dire subhanallah. De dire Subhanallah, gloire à Allah en quelque sorte. Donc vous avez vu, lorsqu'on monte, ça dénote une sorte de grandeur. La personne prend de la hauteur. Donc là, il peut être touché par une forme de vanité. Donc on dit Allahu Akbar, celui qui est grand, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on descend, ça dénote une sorte d'infériorité, de diminution. Donc là, on dit gloire à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une hypothèse. C'est une sagesse qu'émet, hein. Qu'émet l'auteur du commentaire, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, Wallahu a'lam. C'est pour cela qu'ensuite il dit, celui par exemple qui est dans un avion et qui monte, là dans ce cas-là il dit Allahu Akbar. Par contre, lorsque l'avion va atterrir, lorsque l'avion descend, c'est un exemple qu'il donne, il dit là, il dit Subhanallah, gloire à Allah. فَكَانُوا يُكَبِّرُونَ وَلَكِنَّهُمْ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ وَيَشُقُّونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالتَّكْبِيرِ. Et dans le récit, le compagnon nous enseigne que les compagnons, c'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc, ils invoquaient Allah et ils disaient Wallahu Akbar, puisqu'ils étaient arrivés dans un lieu élevé, et ils étaient en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils étaient en voyage. Et là, alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, Irba'u ala anfusikum, ne fatiguez pas vos personnes. Yani, il leur a demandé de pas se fatiguer. Yani, hawinu alayha, wala tashuqu alayha. Ne vous imposez pas cette charge-là, ne vous imposez pas à vous-même. En quelque sorte, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a exhortés à ne pas compliquer la chose ou ne pas s'imposer une pénibilité, une difficulté. Alors, il leur a dit, votre Seigneur n'est pas sourd et n'est pas absent. Vous invoquez pas, ensuite il leur dit, vous n'invoquez pas un seigneur qui est sourd ou absent, il leur dit, vous invoquez un seigneur qui est Samir, qui est audient, clairvoyant et qui est proche. Donc, à ce moment-là, ça ne sert à rien de crier lorsqu'on invoque Allah Jalla Wa'ala, ou lorsqu'on dit Allahu Akbar. Pourquoi? Puisque Allah Jalla Wa'ala entend. Allah est celui aussi qui est proche, comme va nous enseigner le prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Pour cela, l'auteur du commentaire, Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit: "Fakanu yukabbirun walakinahum yarfa'un aswatahum wa yashuqquna 'ala anfusihim bit-takbir, fa qala sallallahu alayhi wa sallam: Irba'u 'ala anfusikum, ya'ni hawwinu 'alayha wa la tashuqqu 'alayha, fa innakum la tad'una asam wa la gha'iba." Wa huna qala la tad'un, lam yakun la tukabbiruna lil-asam. لا تكبرون لأصم وذلك لأن الذكر يتضمن الدعاء فإن الذكر إنما يذكر الله ليثيبه على ذلك فهو دعاء بلسان الحال ويحتمل أنه بلسان الحال ويحتمل أنهم كانوا يكبرون ويدعون فحذف الدعاء لأنه من التكبير ولكن الأول أقرب وأن الذكر دعاء لأن الذكر يدعو الله عز وجل بلسان حالي ولا تدعون أصم يعني لا تدعون ما لا يسمع حتى ترفعوا أصواتكم له ولا غائبا أي أن يخفى عليه حالكم تدعون سميعا بصيرا سميعا ضد أصم بصيرا ضد أعمى وهنا لم يتهرد في الأول للعمى لكن ذكره في الثاني لأن الله تعالى دائما يقرن بين قوله سميعا بصير لأن في السمع إدراك المسموعات وفي البصر إدراك المرئيات ثم قال صلى الله عليه وسلم قريبا هذا ضد قوله غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا في لفظ آخر إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهم على رواحلهم فالله جل وعلا أقرب من عنق راحلتهم. On va se quitter sur ça inshallah et on continuera inshallah dans la prochaine allocution, dans le prochain cours, Inch'Allah, sur l'explication de ce hadith et de ce chapitre, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa billahi at-tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.